Je critique la foule. Aussi peut paraître étrange le concept, je t'assure, je le regarde d'un bon œil, je l'aime la foule, elle est si belle, si... Oh, éclectique, on pourrait dire facilement durant les francopholies. Et oui, pour les habitués de l'émission, comme à chaque année, je fais un tour aux francopholies parce que c'est un spectacle, des spectacles devrais-je plutôt dire, qui marque mon cœur. Oui, d'émotion, comme à chaque semaine que je vais vous partager mes anecdotes de foule, mes observations et mes insatisfactions. Ah, quand je vous dis émotion, il y en aura de la pas belle et pas à peu près cette semaine. Et ce ne sera pas du tout à cause des groupes de musique parce que c'était des excellents shows de Carotté et Horloge Simard. Mais ah mon Dieu, quelle histoire, quelle histoire. Et là, là, là, là, j'ai déjà hâte de te le conter, cher auditeur de la marge. Mais avant, ben oui, petite jasette sur les franco. Et je vous dis anecdote parce que oui, des fois, je critique pas tant la crowd que je suis la crowd dérangeante et ce sera le cas durant Julien Doré. Oui, oui, j'étais au spectacle de Julien Doré. Alors, tout ça après la chanson de Minotaur qui vient de sortir la semaine dernière et ce sera apparaître sur l'album « Laisse faire ». Sur les ondes de la mer, je suis certaine que vous allez l'entendre plusieurs fois cet été, se perdre en forêt sur l'album apparaître, Laisse faire. Et vous écoutez Critique de Crowd qui, oh, j'ai déjà envie de retourner en musique, je t'expliquerai pourquoi. Je suis tellement fan des Marmottes aplaties, je vous en ai passé la semaine dernière. Si tu n'étais pas au courant, il y a les balados diffusion parce que je vous ai fait jouer à Brasserie. Et cette fois-ci, on va écouter ma chanson favorite et je suis certaine qu'il y en a plusieurs d'entre vous que c'est aussi la vôtre, Détruire sur son épisode sanglant. Cher auditeur de la marge, vous écoutez Critique de Crowd et vous avez aussi entendu de l'album Épisode sans clan, la toute première chanson de cet album, Détruire des marmottes aplaties. Ah, chère marmotte, que j'associe beaucoup aux francophonies et simplement... Cette année, du 8 au 18 juin, écoute, il y a Mural, il y a le Suoni Paris Popolo. Bon, il y a la F1, mais je suis pas sûre, Crowd, que ouais, les auditeurs de la marge F1, je vous associe pas tant, là, mais ça se peut que oui. Reste que ça fait quand même 4 événements différents et je compte pas la multitude de spectacles qui se passent dans les bars d'autres événements que je mentionne même pas, là, je marque comme les plus gros. Alors oui, c'est devenu, juin est assez achalandé dans notre agenda crowdien et de festival, mais sinon, cette édition-ci des Francofolies se remarquait entre autres par une scène de moins. Ouais, pour ceux qui étaient habitués de voir la scène, là, tu sais, dans la partie du... la place des festivals où il y a aussi entre autres ben le Pouzza, les Nuits d'Afrique. Mais cette fois-ci, il y avait rien. J'ai été un peu surprise. Oui, le pire c'est que j'avais j'avais toute l'horaire, toute la programmation sur papier, il est bien indiqué, mais j'aime bien m'aventurer à l'aveuglette et j'ai été plutôt surprise de rencontrer de la crotte de gazon et des espèces de geysers d'eau et de lumière et d'effets spectaculaires. Ouais, c'est quand même assez joli. Simplement, c'était une scène que j'avoue, j'appréciais beaucoup un peu à l'écran. Corps. Il y avait quelque chose de posé, tranquille, les gens dansaient un peu follement. Là, de... tu sais, le festivalier, des fois, il danse en solitaire, mais il se laisse aller. Oui, ce genre de crowd-là. Il y aura plutôt le bal pop pour ceux qui sont déjà passés au Franco, parce que oui, ça dure jusqu'à un petit bout encore, jusqu'au 18. Alors, vous pourrez passer, il y a le petit orchestre parisien, mais surtout, il y a une espèce de décoration plus grande que nature, de noir et blanc, de décoration, de maison. Là. Je veux pas dire que c'est qu'ils ont recréé une ville, là, mais un peu. En tout cas, moi, je me suis sentie dans une maison de poupée. Puis, je sais pas, c'est comme l'effet de grandeur, mais je me suis sentie pas à l'aise. Ça, c'est enchanteur, c'est cute. Puis moi, j'ai un peu pas trippé parce que j'ai sacré mon camp. Mais vous pourrez me dire si c'est sympathique en vrai et que ça a pas l'air d'un faux film d'horreur. Mais en tout cas, moi, ça me... En tout cas, j'ai vécu des drôles d'émotions. Mais les émotions que je pourrais vivre au karaoké, ah ça... Je suis pas très karaoké dans la vie, mais karaoké franco avec des classiques et des non classiques, parce que déjà à la marge on passe les futurs classiques. Ben je crois que je vais aller faire une petite visite de la crowd ou tester le micro. Le seul problème c'est quand je vais dans un karaoké, je sors mon gueulage quand je connais pas les paroles, fait que ça risque de faire couper le micro à chaque fois, le tech de son il trippe pas. Fait que c'est à suivre là-dessus. Ah, peut-être une suite à cette critique de crowd des Franco. Je vous mentionne toutes les places parce que oui, il y a depuis déjà un an, deux ans, une salle qui n'est plus utilisée par les Franco parce que oui, il y a l'Astral, le Métropolis, le Club Soda, le TNM, parce qu'il y a des pièces de théâtre qui sont présentées en même temps, parce que c'est demain Montréal Matin qui est en représentation en ce moment. Petit soupir de... C'était pas facile aux catacombes. C'était des shows qui étaient pas très crowdés. Mais je garde justement un des meilleurs souvenirs des Francofolies à cause de les marmottes aplaties. C'est pas pour rien que je les ai passées. Enfin, je les aime beaucoup, oui. Et c'était ma seule occasion à vie de pouvoir voir les Franco, oui, mais voir les marmottes aplaties. Ça fait un bout qu'ils sont quand même séparés. Show de retour. Une seule occasion. C'était sold out, je pense. Sinon, c'était très, très, très crowdé. J'avais acheté mon billet à l'avance, là, pour te dire. Et oui, je garde un très bon souvenir de ce show-là. Je pourrais pas accuser l'ambiance des catacombes, mais simplement le fait que ce soit une salle d'une capacité de 300 personnes, et là, on inclut quand même le balcon, là. Fait que oui, c'est petit. Oui, je trouve que déjà, il y a une très belle proximité avec la scène, même si ça peut être... ouais, c'est là quelque chose de pas, un peu atypique, là, tu sais, dans un coin. Mais reste que c'est... Moi, je trouve que ça fait bien, bien la job. Sinon, je me souviens aussi d'avoir vu Parabellum. Non, il n'y avait pas beaucoup de crowd, mais oui, je suis extrêmement heureuse d'avoir vu Parabellum. Puis non, j'aurais pas voulu les voir dans une autre salle où ça aurait moins bien fité. Des punks aux catacombes, ben oui, ça fit! Alors, je te le mentionne tout de suite parce que je vais revenir plus tard, je gâche un punch, mais oui, cette année, j'y aurais peut-être pas cru, mais je crois que les Franco gagneraient à retourner aux catacombes pour certains groupes, parce que la considération d'une salle, son l'atmosphère, la musicalité et la crowd que ça l'amène, ça a un impact sur l'appréciation globale. C'est un tout un show, une salle du monde à la musique. Ouais, c'est un tout qui, des fois, quand c'est mal, comme un mauvais amalgame, là, il peut arriver des choses bien tristes. Ce sera à suivre, sinon. Cette année, il y a aussi, oui, c'est bien marquant pour le 20e anniversaire du Micro d'argent d'avoir I Am en clôture de festival. Mais le rap est peut-être en peine puisque Corias a été obligé d'annuler son spectacle. J'avais un billet pour Rhymes parce que je l'avais vu au Club Soda puis j'étais curieuse. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est rendu au Métropolis, c'est rendu gros. Fait que, ouais, fait, finalement, ça ne se passera pas pour cette fois-ci, ça ne passera pas non plus pour Joe Rocca qui est obligé d'annuler sa performance, mais ça va se passer pour Julien Doré. Ben oui, tu peux-tu croire, j'étais là-bas. J'étais là samedi dernier. Je vous reviens avec la critique, mais pour... oui, c'est absent, mais qu'on aurait bien voulu entendre et réentendre. Ben, on va écouter du Corias avec... c'est ma chanson préférée de Corias, La mort de Manu, garde ta job, parce que moi, je le pense... Oui, je pense que ça nous arrive tout à un moment donné qu'on se dit, ouais, garde ta job. Que je sois en banlieue de Montréal ou dans la ville de Québec, je sais que c'est impossible ici de devenir riche et célèbre. Je me contente de faire ma musique pis de killer mes textes. Pis que les gens disent que je suis plus sick pis que mes lyrics c'est les best. 4,5, 9 à 6, on voit s'empiler les dettes. Y'a des limites à mon empire même si j'ai visé les vrais. Mon cadran sonne, 8 ans moins 20, je me tire pis je me lève. Je souris mais je suis pisse d'être obligé de déguiser mes gestes. Mon boss qui me dit d'un air strict de respecter ses délais. Employé modèle que juste envie de lui crisser une drette. Toutes mes boys pis mes fans savent que Corey c'est le best. Mais Manu c'est un drop, parle jamais admis au cégep. Le rap cap c'est des fillettes en train de se tirer les tresses. J'suis mad fresh mais on me déteste, il me dit que mon style est quétaine. Ok, j'avoue les cracks de love, j'ai beau sortir 4 albums. Une chance que j'ai écouté mes proches qui m'ont dit garde ta job. J'ai vendu 5000 albums, man, garde ta job. Yo, j'ai des fans jusqu'à 7 îles, dog, garde ta job. Full capacité au francophone, garde ta job. Hey, the game me répond sur Twitter, man, garde ta job. Première partie de Busta Rhymes, garde ta job. Compte complet sur Facebook, garde ta job. Hey, un feat avec SP J. Hill, garde ta job. Ma mère me dit que c'est moi le meilleur, donc garde ta job. Beat drive, rap, rock, sexe, pis les filles s'écartent. Tapis rouge, autographe, check, j'vais t'en signer 4. Limousine, première classe, restaurant, 6 étoiles. Non, ici c'est l'auto-Québec ou le cash illégal. Pour que j'file un stack, va falloir que j'enfile le masque. Le rap Québec est plein de self-made middle class. T'es insane si tu penses que j'vis bien les disques qu'on. Le monde pense que je suis big, mais je suis pas Gorilla Black. Perdu la toche devant ma page, ça me fait péter les coches. J'écris plus comme avant, comme M&M quand il cesse. Les drogues, l'élève modèle à l'école. J'ai blessé ma mère et mes proches. J'emmerde mon père et mes profs qui baissent la moyenne de mes notes. Stress et j'essaie, c'est l'école pour niaise et piquette. Et les clubs, sketch et les textes et les strophes. J'ai perdu ma tête et mes chums. Coria s'est épuisé, il fait même plus d'efforts. Manu perd sa vie, elle a gagné. Manu y est mort. Invaincu au World of Battles, garde ta job. Meilleur vendeur sur HHQ, garde ta job. Hey, j'ai une nomination à la 10, garde ta job. Ouais, j'avoue que c'est refait de gagner, hein. Garde ta job. Tournée autour de la province, garde ta job. France d'amour chante mes tours dans sa douche, garde ta job. 104 000 views sur YouTube, garde ta job. Tout ça, ça veut dire que dalle. Garde ta job, 9 à 6, job à 15, show samedi, long en 5, crowd est vide, même pas de bière, wow c'est chic, fuck my life, 4,5, genre à 2, épicerie, crap dinner, 7h30, vase de beurre, check ma vie qui frappe un mur, entrevue et caméra, j'cours dans rue, j'ai raté le boss, blond stressé sans le sou, compte check et dans le rouge, manque de cash, up de shop, caisse de part, fuck tout ça, j'vais réussir dans le rap game, demain matin j'lâche ma job. Full capacité au franco, dit Corias durant la chanson La mort de Manu, garde ta job de son album Petite Victoire. Et ouais, ça donne bien hein, cette émission sur les francopholies. Et ouais, je me fais rire parce que depuis tantôt, je vous dis Julien Doré. Mais c'était pas tant lui que je voulais voir au départ. À vrai dire, de chez à vrai dire, je me suis fait inviter vraiment à la dernière minute, autant dire le jour même à quelques heures du spectacle. Jolene, ça te tente-tu d'aller voir Peter au Metropolis? Là, je me dis, ben, on va y aller, c'est bien le fun, j'ai jamais vu en spectacle. Mais je reste quand même surprise. Oui, j'ai encore une fois, là, je lis la programmation papier et non, je sais pas. Je vis vraiment mes franco à l'aveuglette cette année, ça n'a aucun sens. Fait que, sur le coup, je me dis, mais voyons, Peter, il est populaire, mais j'étais quand même surprise qu'il fasse le Metropolis. Je me disais, c'est grand. Et après ça, tu sais, je vais arriver en retard, les filles. Me semble que je vais manquer tout le show si ça commence à 9. Faisais, non, ça finit à minuit, tu vas voir. Mais je me dis, voyons, il y en a du stock à nous chanter, Peter. Ben, mauvaise réponse. Peut-être qu'il aurait pu nous chanter bien longtemps, mais c'était plutôt un plateau double qu'il partageait avec Julien Doré. On passe un extrait? Un extrait? Ah ouais donc! Sublime et silence, autour de moi tu danses et moi j'oublie. C'est à toi que je pense, à ta bouche brûlante quand tu souris. Bon, maintenant que tu le connais musicalement parlant, ben sache-le, dans sa petite bio, ben c'est un auteur-compositeur français qui a été découvert par le grand public grâce à l'émission Une Nouvelle Star en 2007. Sinon, ben il a l'air de bien aller. Écoute, c'est invité au Metropolis, toi. Fait que j'arrive justement dans cette salle en allant directement au balcon et assez plein, merci. Oh oui, le monde était bien assis. Alors, ouais, on s'attend pas à la folie furieuse, à ben l'énervement non plus. Sauf, et là, ce qui se ressemble, ça semble. Ouais, sauf mes amis. Hey boy. J'arrive et c'est Jolene! Puis ça, c'est rempli de joie et d'allégresse. Et surtout, on parle trop fort pour le spectacle. Ça, c'est assez évident. Alors, mon ami qui surtout ben me présente un nouvel ami, là je savais pas trop comme c'était quoi leur lien au départ, ils étaient tellement proches, c'était tellement comme ouais, on aurait dit des amis de longue date, puis elle connaissait depuis 15 minutes, il avait dansé à la salsa, écoute, des rencontres qui se passent. Alors pendant que justement c'est donc bien convivial, parle jase durant un spectacle. Ouais, parle jase trop fort durant un spectacle. Fait que parle jase, j'apprends surtout qu'elle a divorcé, fait que je crie super aigu dans le Metropolis, je suis comme ah! Tu sais, déjà, je parle aigu là, sur les ondes de la marge. Oui, c'est pas pire ma voix dans la vraie vie. Fait qu'imagine, ça traversait le verre. Ça ne l'a pas pété, mais il y a eu des frémissements. Et justement, trop d'émotions, trop d'anecdotes, trop de ça fait donc bien longtemps qu'on s'est vu. Fait qu'on fitait plus pantoute dans l'atmosphère. Surtout que il y avait des moments où c'était plus orchestral et fouille-moi pourquoi, mais c'était dans ces moments-là qu'on se taisait puis qu'on écoutait le spectacle, quand c'était une petite toute douce là avec juste une guide genre ou juste piano. Ah bla bla bla bla bla, assez au gosse. On gossait tout le monde. On était vraiment au bord, au fond du balcon. Mais oui, il y a des gens qui sont installés, non aux tables, mais plutôt debout sur le bord là. J'avoue qu'ils sont bien installés. Ouais, je trouve ça quand même astucieux. T'as une belle vue. Ben si t'es un pisse-minute, ben t'es proche des toilettes. Si t'aimes beaucoup t'abreuvoir, ben écoute, justement le bord est juste à côté. Mais hey là là, à deux reprises, il y a quelqu'un qui vient nous dire vous enterrer Julien. Ah, oh, ça, c'est gênant. Surtout. Ben oui, tu te dis, le monde, ils ont payé pour le voir, là. Ils sont pas venus placoter. Je suis la première à dire, voyons pourquoi ils avaient acheté un billet pour jaser. Ben, quand il arrive des annonces aussi importantes que des changements matrimoniaux, ben oui, je crois que, oh mon Dieu, le spectacle devient comme en second plan et en s'il vous plaît, là. Fait que là, moi, j'étais plus concentrée du tout. Là, après ça, on essayait de chuchoter. Puis on était vraiment mauvaise pour chuchoter. Puis je me dis, ah, c'est tellement pas gentil pour le restant de la crowd pour qui, oui, le spectacle est important. Sinon, ben, il se serait pas pointé, là. Et surtout, la place avait l'air. Oui, c'était vraiment crowdé au balcon. Il n'y avait pas d'autre place. Il ne pouvait pas tant se déplacer pour plus nous entendre, faut bien le dire. Et, bon, aperçu comme ça de la foule, j'avais surtout l'impression que c'était sorti de couple. Un peu monsieur, madame. Oui, le monde se habillé propre, mais quand même estival, tranquille, posé. On écoute le show, main dans la main. Fait que non, on n'est pas là trop justement dans l'énervement que nous, on pouvait être à se dire « Oh my God, ça mérite des shots! » date. Fait que quand même, j'ai pris le temps d'observer la foule, surtout au moment où elle s'est mise à chanter « Don't be afraid ». Et Julien le répète, et après ça, j'ai senti là, mais une grande chorale. Je me dis « Voyons, c'est juste le monde sur scène ». Mais non, c'était toute la foule. Alors, je m'en vais en avant du balcon pour voir les gens en bas. Et ça me paraissait plein. Et j'ai trouvé que c'était tout un moment. J'ai vraiment réalisé à quel point les gens étaient fans aussi, parce qu'il y a eu plusieurs moments où les gens répétaient les paroles. Et je suis parti un petit peu là avant la fin parce que la critique de crowd. J'essaie toujours d'enfiler 2-3 spectacles dans une même soirée, c'est épouvantable. Fait que je descends au parterre pour justement un peu saisir la foule, et quelle surprise! Il y avait quasiment personne. Vraiment, ça c'est toujours l'aspect traite. Souvent, je sais pas si le Métropolis le fait, mais souvent le Club Soda va le faire, le La Tulipe, le Corona. Tu sais, quand il y a pas assez de monde, ils vont pas permettre d'aller au balcon. Et là, étant donné que c'est un show tranquille, ben oui, tout le monde s'est garoché en haut. Fait qu'en bas, le parterre là, à moitié plein. Ensuite de ça, la section un peu plus loin, là, il y a des tables, des chaises, parsemées de crowd. J'ai été vraiment surprise. Je me sentais comme, oh, quelle l'heure! Tu sais, j'ai regardé la foule d'en haut, puis ça avait l'air crowded, puis pas partout! Je trouve ça triste quand même, parce que justement, le fait qu'ils étaient juste assez nombreux pour ouvrir le balcon, ben ça, oui, ça divisait la crowd, puis ça joue aussi sur sur l'atmosphère, puis en même temps, les gens étaient du genre, ouais, à s'asseoir, fait que j'ai l'impression que pour eux autres, ça devait pas tant déranger, mais en même temps, tu sais, quand la salle est à moitié pleine, en bas, mais quand je dis que ça devait pas trop déranger la crowd, oui, je me souviens très bien d'un couple qui semi-slow, on est juste collé parce qu'on est trop intense dans notre émotion, puis c'est dommage notre tune. Fait que là, ils sont là en train de se serrer à côté de leur table. Non, c'est pas nécessairement des gens qui ont besoin d'espace ou qui allaient danser follement, mais non, vraiment, il y a l'artiste, il y a eux. Puis ça a l'air d'être juste ça qui compte. Puis dans un sens aussi, c'est un peu ça qui comptait, mes amis. Puis moi, on était bien heureuses de se retrouver. Prendre l'occasion de vous dire « Je vous aime! » Fait que les amours et les amitiés ont toujours un impact sur notre appréciation du spectacle. En bien, pour nous autres, et des fois en mal pour les gens qui nous entourent, mais qui nous connaissent pas. Ils savent pas ce qui manque. Sur ça, ben on va aller en écouter du Peter. Je laisserai les marées basses me raccompagner jusqu'à chez moi. J'implorerai le temps qui passe de cesser de passer par là. La nuit est jeune à ce qu'on dit baliverne. La nuit est vieille et périssable. Elle est-il inflammable? Oh ma, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh ma, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh ma. À me regarder mourir de honte. Il y a à boire et à fumer, mais il n'y a rien à croire. Une tumeur, médaille d'or, a dévoré mes espoirs olympiques. Je n'ose plus sortir dehors. J'ai peur de m'y perdre encore. Ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh ma, ma maison qui brûle, je fume ma thank you.

tendre avec la chanson « À l'image qui te côtoie ». Tendre que vous aurez l'occasion de voir en prestation à 7h à la tente de CISM qui se trouve sur Clark et Sainte-Catherine. Ben ouais, en plein milieu des Franco! Et vous écoutez toujours Critique de Crowd. Ben oui, qui vous invite à voir de la crowd dès ce soir. Venez nous dire coucou à la tente, mais qui a tout plein d'autres suggestions musicales et crowdiennes à te faire ce soir, justement, en ce spécial Franco. Je ne peux que te suggérer d'aller voir Violette Pie en solo, parce que c'est toujours éblouissant de le voir autant seul ou accompagné, et le tout va se passer à la zone chaude. Là, c'est la soirée chaude des soirées Coors Light, hein? En tout cas, t'auras bien compris. Sinon, ce soir, il y a aussi Nap Ice, Fern que j'ai vu, mon Dieu, la semaine dernière dans le cadre du Suoni, fait que je te reviens très, très bientôt sur cette critique de crowd. Sinon, ils vont jouer aussi avec Wet Face, ça se passe au Ritz PDB. Vendredi, encore au Franco, sur la scène rock, ça risque d'être assez excellent, merci. Chocolat! Et sinon, tout en rock aussi, le lancement de Half Bake, ça se passe à l'Esco. Samedi, dans le cadre du Suoni, il y a Hannah, il y a Prof and Order, il y a Anusol, il y a Street Ga. Ça se passe à Vitrola, puis c'est une soirée assez punk hardcore, fait que ouais, ça va brasser, puis ça va être bien plaisant. Mais avant de partir ton mosh pit, je te suggère bien, bien fortement de, encore une fois, passer à la tente de CISM dans le cadre des Francofolies, parce que j'y serai, oui, de 4 à 6, alors de 16 à 18 heures. Ben, c'est moi et Mathieu Orbe qui va animer les ondes de la marge devant la crowd, et on va recevoir des artistes. Je risque de faire des biscuits, ou en tout cas, je m'énerve toujours, fait que j'ai toujours envie de cuisiner quand je vois de la crowd, là, fait que c'est à suivre, viens me voir, puis tu risques de manger du sucré, ça va être bien plaisant. J'ai déjà hâte de voir vos faces. Sinon, dimanche, au Suoni, encore une fois, c'est Bougie Boy, Vanilla Poppers, Plasma Lab et Ren War. Cette fois-ci, c'est une soirée plus garage punk, encore une fois, avec certains groupes plus hardcore. Et encore une fois, Vitrola. Lundi, le Stoner en toi a sûrement envie d'aller voir Weed Eater. Ça se passe au Catacombe, ben oui, avec Black Wizard, Serial Hawk et King Buffalo. Et sinon, mardi, bon ben, c'est pas très CISM, mais je me dis qu'il y en a quelques-uns qui aiment les Red Hot Chili Peppers. Ça se passe au Centre Bell, ben ouais. Et finalement, mercredi, bande de rockers, peut-être iras-tu voir Plans Mistaken for Stars. Et encore une fois, bien occupé ce Ritz PDB, ben ouais, Ritz PDB. Sinon, on va continuer en musique avec les merveilleuses chansons du palmarès francophone de CISM. J'ai décidé de faire une petite tendance Tony Mo, puis une toune qui va justement ensoleiller ton cœur, alors c'est un peu yin et yang. Bonhomme sourire qui triste, qui est heureux après. Alors, Rancœur, excellent groupe qui va nous chanter Trop tard, et sinon on va poursuivre avec Bébé Soleil. Je vous avais diffusé quand la chanson est sortie sur les internets, mais depuis ce temps-là, ils sont dans le palmarès, ils sont même en 9e position du palmarès francophone. Mes félicitations les garçons avec votre chanson Souliers de course. avec dans le corps. Comme pas cet temps qui change le décor. Je vais le voir quand je vais le voir. Fatigué, des yeux au beurre noir. Au pire, et quand je serai mort. C'est une faute jeunesse, ça passe. Personne n'a dit qu'à lui un peu d'émo, un peu de soleil pour toi, cher auditeur de CISM. Ben oui, vous écoutez le 89.3 FM. Si vous venez de vous joindre parmi nous, ben vous écoutez Critique de Crowd et on vient d'entendre les chansons du palmarès francophone Rancœur et Bébé Soleil en tout 30 positions. Fait que va donc les voir, passez fort, excellent. CISM893.ca. Sinon, tu peux regarder ça avec ton téléphone. Hey, même avec ta télé, ça a l'air que avec certains câbles, on pogne. Puis sinon, ben, t'as juste à écrire à Critique de Crowd sur Facebook puis dire « Hey, je veux des suggestions, puis je vais me forcer, moi, t'en trouver deux, trois. Fait que sinon, ben parce que déjà, je vous en passe une bonne douzaine de chansons à chaque semaine. Et c'est aussi, entre autres, je vous passe de la musique parce que j'aime la musique et j'aime beaucoup vous voir en spectacle, chers musiciens. Et depuis le début de l'émission, il me semble que j'arrête pas de dire que je suis perdue au franco. Mais pas tout à fait, parce que c'est un spectacle que j'attendais depuis qu'il y a eu l'annonce de Horloge Simard. Horloge Simard, une première fois au franco, j'étais bien heureuse pour eux. Et un certain doute sur la salle, je me disais, ah ouais, les gars, vous jouez à l'Astral, et il est tout en thématique baroque. J'ai fait, ah ok, ça se peut que, oui, ça se peut que ça détonne. Je dis thématique baroque parce que vous pouvez aller voir aussi les photos de leur nouvel album. Ils sont bien grillés, les garçons. Et sinon, en première partie, c'était plateau double, alors pas tant une première partie question durée, mais oui, ils passaient en premier. Carotté, alors ces punks qui font dans le gig et le rigodon et la musique traditionnelle québécoise. C'est la deuxième fois que je les vois en spectacle. Je les ai vus, mon Dieu, la première fois, c'est il n'y a pas si longtemps, ça va me revenir. C'est au Club Soda, en première partie de Mon Oncle Serge en son spécial du temps des fêtes. Et je crois que c'est toujours un peu difficile de considérer une crowd, justement, quand c'est une première partie. Plateau double, j'ai de la misère à pouvoir considérer, parce que le show commençait de bonne heure. Ben oui, 7h30! Ah! Ouais. Moi, en tout cas, moi, je trouve que c'est de bonne heure. Et étant donné que je savais pas c'est qui passait en premier ou en deuxième, je me suis dépêchée tout d'un coup, là, quand là, je suis mort, faisant une intro pas possible, baroque, avec des fla-fla. Je voulais pas manquer une seconde. Et inversement, je suis arrivée comme 5-10 minutes en retard. Et Carotté, je crois que c'est le genre de band que peu importe qu'est-ce qui arrive dans la crowd, peu importe le nombre de personnes dans la crowd, comment ils participent, pour eux autres, ça va toujours être le party. Tu sais, ils sont nombreux, la musique a en soi un enthousiasme. Musique de party. Et en arrivant à l'Astral, oui, c'est toujours bien. Je trouve que c'est vraiment comme une des salles les plus sombres quand tu rentres là-bas. Fait que ça a été... en premier, je voyais rien, mais après ça, mon constat serait été de voir qu'il y avait personne! Personne en avant. Non, quand je dis personne en avant, là, c'est vraiment comme en avant. Là. Rarement, les gens vont au balcon à l'Astral. Et... sinon, il était placé table, chaise, bien assis. Oh, les gens étaient étonnamment bien assis, ouais, très, très tranquille. Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a comme un clash d'être aussi calme devant une musique aussi entraînante, une musique qui est faite, ben oui, carrément pour danser le rigodon. Fait que c'est sûr que, ouais, ça m'a un peu percuté de le voir dans ce clash-là. Genre, il y a personne en avant, le monde sont assis, sauf les bébés! Ah, il y avait au moins 3 bébés dans la salle. Ben, je dis bébé, là, j'ai le bébé large, là, dans la vie. Déjà, bébé, c'est pour dire ton amour. Mais aussi, bébé, là, je le mets genre, t'as une petite face cute, t'es un enfant, t'as moins de 4 ans, ou t'es un bébé pis t'es à 4 pattes. Mettons, on est dans ces eaux-là. Il y a un petit garçon avec son père, sa mère. Les deux, ses parents, ils sont un peu punk, là. C'est drôle, tu sais, ils sont tous en train de s'énerver, puis ils sont comme « Allez, garçon! Allez, amuse-toi toi aussi! C'est drôle, là! » Puis ils font du air guide devant leur enfant, là. J'ai trouvé ça quand même cute. Sinon, ben écoute, il y en a un autre. Ah, lui, il prend de la place. Là, le petit gars, il courait un peu partout, et j'ai l'impression qu'il suivait les faisceaux de lumière. En tout cas, il faisait des zigzags. Et tout seul, on dirait... il faisait un pit à lui. Il zigzaguait, il poussait lui-même les faisceaux de lumière. Il allait dans tous les sens. Et ça m'a rappelé ce vidéo sur Internet. Je sais pas si tu l'as déjà vu toi aussi, crowd, mais c'est genre le vidéo, c'est un faux bar, et évidemment, ils boivent pas d'alcool, là, c'est des enfants, mais qui renversent tout! Mais oui, un bébé, c'est maladroit, fait que c'est vrai que ça rappelle les comportements de quelqu'un en état d'ébriété, et je me disais, ah, wow, il a l'air tellement du gars qui est comme fini dans le mosh pit quand il est tout seul. Mais oui, il y avait beaucoup de plaisir. Il tombe, il s'énerve. Et je crois que c'était sa petite sœur qui était bien équipée. en robe, en tétine, en tétine de bouche, là, que tu mordilles. Vous savez de quoi je parle? Même ça s'appelle une tétine, une sucette, une suce. Et boy, mon vocabulaire d'accessoires d'enfant m'échappe en ce moment, mais bref, elle a une tétine dans la bouche, plus un casque pour bien protéger contre les acouphènes. Fait que bref, elle était comme partie pour rocker la place. Alors elle s'amuse aussi, elle danse. Sa mère la surveille vraiment plus de proche, fait qu'à chaque fois qu'elle est comme un peu sur le bord de monter sur la scène, elle est comme « Wow, toi, reviens ici. Pendant que, elle, avec le petit gars, il y en a un qui tombe par-dessus l'autre, tu sais, je vous l'avais dit, moshpit, là, fait que, empilade d'enfant, là, récupère encore le bébé, il y avait de l'action, fallait juste pas être au-dessus de 4 ans pour y participer, parce que autrement, il y avait personne dans le crowd qui était debout. Ouais, quand je vous dis que ça se passe aux tables, j'ai déjà géré en disant qu'il se passe rien du tout. On est plutôt debout à côté de sa chaise. Ouais, on est à côté de sa chaise en train de dansouiller. On rigodonnage, on n'est pas dans des mouvements officiels, mais en même temps, oui, on est là pour soi, avec son ami en train de se dire « Hihihi, on danse! » J'ai l'esprit un peu, on est vendredi, soirée vino, pis justement, les deux filles qui dansaient, il y avait une bouteille de vin, pis je me demandais si elle, c'était le genre de fille qui appelait ça du vin ou du vino. Puis, moi, te le dire, moi, je pense qu'eux autres, c'était une soirée vino, pas à peu près. Fait que là, ils sont en train de oup, oup, oup, on danse un petit peu. Oh! Air, cuillère! Et toutes mes feuilles sont en train de tomber. Je pense que vous venez de l'entendre sur les ondes de ma marge. Peu importe. Mais reste que... Ils sont bien en train de s'amuser entre elles, vraiment, un peu comme je vous décrivais pour Julien Doré. Là, on est vraiment pas dans une attraction de crowd. Mais quand même... Du air cuillère, ça j'ai trouvé ça quand même intéressant comme move, puis ça fait aussi avec carotté. Mais plus la soirée avance, plus il y aura des gens qui vont s'installer en avant. Je dis plus, on va commencer tranquillement, pas vite quand même. Ça c'est trois, il y en a trois, ils arrivent avec leur petite bière, ils déposent sur le bord de la scène, puis après ça ils repartent tout de suite après. Je dis bon, ils étaient bien installés, mais ça a pas duré. Reste qu'avec tout ça, il était trois, puis il y en a juste un qui reste. Il reste au centre, les bras croisés. Mais avec une petite approbation de tête, là. Il dodeline de la tête seul. Je sais pas à quel point il était concentré puis il réalisait pas que il prenait comme... Ouais, il était vraiment au centre. Et c'était dur de pas le remarquer. Mais après ça, oui, il y en a d'autres qui vont revenir encore une fois. Et quelques énervements quand même à constater. Ils sont rendus 5, en rangée, ça saute. Ça va même finir en rigodon. Et c'est juste des gars. C'est juste des gars! Je mets peut-être l'accent là-dessus, puis je le fais pas habituellement, parce que, compter le nombre de gars puis de filles, des fois, ça nous rappelle qu'il y a des genres musicaux qui n'ont pas beaucoup de filles dans leurs adeptes, puis ça peut être désolant, ça peut être juste un constat. Mais c'est juste que le rigodon, me semble que c'est une danse de rencontre, me semble que, tu sais, hein, l'église, elle aimait pas ça dans le temps, là, le rigodon, là, la proximité entre les hommes puis les femmes. Fait que je trouvais ça quand même comme... Je me disais, mais ça qu'il manque des filles pour danser le rigodon, non? Mais en même temps, on pourrait dire la même chose pour la valse ou le twist ou tout plein d'autres danses sociales. Fait que reste qu'on dirait que ça m'a... ça m'a comme chatouillé que c'était un rigodon d'homme. Et ils vont même recommencer vers la fin. Le tout s'est conclu avec une chanson à répondre. Et je sais pas à quel point ma mémoire est lacunaire ou je me force pas assez du cerveau. Mais sérieux, là, les vers étaient super longs. C'est niaiseux, là, mais moi, je me rappelais plus du début quand il disait « Allez, répétez! » Je suis comme « Non, répète-le une deuxième fois ou coupe-le en morceaux, s'il te plaît. Là, je ne digère pas tout. » Alors, les autres, visiblement, étaient plus fans parce qu'ils connaissaient les paroles par cœur. Je peux pas croire que tu l'as appris d'une shot, crowd. Je ne te crois pas. Non! Alors, chanson à répondre. Puis oui, les gars, ils étaient bien de bonne humeur. Ah, il y en a un, il fait des high-five aux musiciens. Il sort la langue, t'es vraiment excité. Et aussi, je vois dans la crowd, quand même, dans le coin du bord, s'accumule, oui, de l'agence qui a l'air de bien préserver son énergie pour Horlogimort. Il y en a un, il y a comme une espèce de visière palette là, de Coors Light, là. Je sais pas si c'était ironique ou non, mais je me suis dit, ah ouais, ça c'est de la crowd d'Horlogimort. Ce sera à suivre pour Horloge. On va écouter tout de suite du carotté sur les ondes de CISM. Je vois à la rivière pour pêcher du poisson, zonzon. Rencontre une jolie fille qui s'en allait du long. Là, tu fais des mignolets, là, tu fais mouiller, là, tu fais des culottes, des bigotés, poisson. Là tu fais des mignolis, là tu fais mouiller, là tu fais des culottés, des godets, des godons, des godines. Touchez là, mais touchez pas, touchez-y, touchez-y pas, laissez ça là, on m'appelle pas, puis banane ne s'en va pas, puis tape la piste, puis t'approche la vision, et puis t'approche encore, et puis t'approche toujours. Moi tu pas ça pour faire des passes, moi j'ai pas ça pour rire. Moi j'ai pas ça pour faire des passes, moi j'ai pas ça pour rire. Je lui ai demandé si elle aimait le poisson, zonzon. Elle m'a répondu oui, excepté les surgeons. Là tu fais des pignolis, là tu fais mouiller, là tu fais des pisés, rigodé, rigodon, rigodé. Touchez là, touchez pas, touchez-y, touchez-y pas, laissez ça là, maman, maman, puis pendant que ça va pas, puis tape la bisogne, puis t'approche la bisogne, puis t'approche encore, puis t'approche toujours. Moi je suis pas ça pour faire des passes, moi je suis pas ça pour rire. Moi je suis pas ça pour faire des passes, moi je suis pas ça pour rire. Elle m'a répondu oui, excepté les surgeons, zon, zon. À cause qu'ils sont comme vous, ils sont allés trop long. Là tu fais des mignolis, là tu fais mouiller, là tu fais des culottés, des godets, des godons, des godines. Touchez là, touchez pas, touchez-y, touchez-y pas, laissez ça là, maman veut pas, pis bonhomme ne sort pas, pis tape la bisonne, pis ta poche la bisonne, et pis ta poche encore, et pis ta poche toujours. Moi je fais ça pour faire des passes, moi je fais ça pour rire. Moi je fais ça pour faire des passes, non moi je fais ça pour rire. Sur l'album Punklore et Trashdition. Ben oui, Carotté avec la chanson Tape la bisoune, et vous aurez peut-être aussi reconnu la voix plutôt de Vincent P qui a aussi réalisé l'album. Et vous écoutez Critique de Crowd qui vous jase, ben oui, de Carotté, mais qui vous jase aussi d'Horloge Simard que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je les aime beaucoup. Pour ceux qui écoutent vraiment beaucoup Critique de Crowd aussi, je les avais reçus durant le temps des fêtes il y a 2 ans et je les ai vus la même année à l'ESCO. Et j'avoue, je m'attendais à rien. Il s'était complètement dément. L'ESCO était plein. Le monde s'en craquait. Il n'y avait pas de première partie. La bière éclabousse de tous les bords. Il y a ben des gangs qui se pointent aussi pour voir Horloge. Alors, il y a vraiment toute une atmosphère. Et les gens viennent beaucoup entre amis. On sent beaucoup l'aspect clique. Et je vous dis, on va le retrouver encore cette fois-ci à leur prestation au Francofolie vendredi dernier à l'Astra. Ah, avec une certaine différence, qu'on n'était pas du tout à l'ESCO. L'Astral, je l'aurais redécouvert ainsi. C'est à suivre. Or là, je vais arriver bien sobrement sur scène. Oui, en costume, mais je dis sobrement parce qu'ils sont tout simplement dirigés vers leurs instruments. Et c'est ainsi, tout simplement. Et juste avant, les gens scandaient « Saguenay! Saguenay! » Et oui, ils viennent du Saguenay. Ils en veulent même l'indépendance. Ils ont amené leur drapeau du Saguenay libre. Et oui, c'est ça, les gens sont vendus. Et oui, ils veulent bien s'amuser. Et quand je dis « clic », moi j'ai eu l'impression, au départ, je savais pas trop me mettre. Ouais, tu sais, le monde se pousse, mais il y a un aspect très chummy, très « je pousse mon ami à moi, je pousse pas les autres personnes ». Fait que c'est pas trop de placé parce que ça reste quand même un espace collectif, le pit, le trash. Fait que, on me dirait que moi, ça... Ouais, j'ai cherché un certain temps, je crois, mon espace. Et sinon, ben... Peut-être que je veux pas être difficile, ouais. Pour moi, c'était comme un certain moment d'installation qu'on puisse se sentir dans un moment de partage dans la crowd. Faut dire aussi que l'atmosphère est plutôt particulière. Il y a une bière qui est échappée par terre. Bon, comme je vous dis, ça éclabousse assez souvent durant un show dans le cinéma. Mais là, le gardien de sécurité, il se pointe. Ben, coudonc, ben, voir si la bière va bien, je sais pas. Il a l'air de regarder le pit. Cette fois-là, il se passe pas de quoi exactement. Enfin, peu importe. Fait que oui, là, le trash s'installe quand même bien au centre. Puis oui, c'était excité dès le début. Là, les gens ont une bonne pousse, ça saute. Mais j'entends la phrase, pour moi, t'es de notre gang. Puis je me suis dit, OK. Je suis de la gang des gens qui participent. Mais je vous le dis, la semaine, encore une fois, Click qui revient. J'ai eu la permission de trasher, on dirait. Trasher en surveillance du gardien qui reste toujours proche. C'est un peu déstabilisant. Sinon, ben, les gens, ouais, friendly cocasse, friendly décalé. Il y a quelqu'un qui me donne des coups sur mon épaule. Je me revire de bord. Ah, il n'est pas de ce côté. Toc, toc, de l'autre côté de mon épaule. Ah, quelle cocasserie, tu étais là. Fait que là, j'ai fait des petits doigts d'honneur sympathiques. Là, ben, j'étais comme, t'es qui, pis c'est quoi ton problème? Mais en même temps, je trouve ça drôle, là, mais c'était niaiseux. Ça, pis le même gars m'a fait le tour de « Ah, t'as quelque chose en dessous du menton. » Et j'étais comme « Ok, là, les blagues classiques, tu peux en faire une après deux, tu sais, je pense que je m'y attends, là. » Mais reste qu'on a encore affaire à cette atmosphère-là, camarade, et oui, je vais dire « friendly décalé » une deuxième fois, parce que je trouve vraiment que c'est le mot qui fitait le plus pour la foule. Et par contre, ils sont bien serviables, ou en tout cas, il y en a un, il me prend dans ses bras, puis oui, il y en a quelques-uns qui prenaient aussi leurs amis pour les soutenir. Mais là, cette fois-ci, je sais pas trop si c'était en lignée pour un body surf. Non, du tout. Reste que le gars, il me prend dans ses bras pour que, bah oui, trasher à deux, ou juste parce que c'est drôle dans la crowd. Mais là, le gardien de sécurité, il vient nous voir, puis il est comme, descends là par terre. Et ben, j'avoue que là, tu sais, je comprends que la sécurité n'accepte pas grand-chose dans la foule. Et mon premier réflexe, ça a été plutôt de rire avec le gardien de sécurité. Fait que, ha, ha, ha, j'y swing ma jambe. Tu sais, je sais pas si je suis capable de bien l'expliquer en ondes. Mais bref, il y avait comme deux autres amis. Il y en a un qui tient ma jambe de droite. Là, le gardien de sécurité, il s'emmène. Fait que je fais comme, hey, c'est parce que tu voulais nous aider. Fait que je swing ma jambe gauche au gardien. Lui, il est un peu déstabilisé. Il est comme, non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais que tu fasses. Et au lieu de, je sais pas, comme, juste me prendre puis me mettre vraiment à terre, on est resté là quand même quelques secondes d'ambiguïté de le gars, il sait pas trop comment arranger la situation. Il a comme pas de contrôle, puis en même temps, il arrange pas ce qu'il considère comme, je veux pas dire inacceptable, là, mais il veut pas que ça se passe. Il veut pas de body surf, il surveille le pit, il a divisé, il a commencé, ouais, à diviser du monde. Comment? Poussez-vous pas, c'est pas gentil. Là, tu sais comment? Fait finalement, blague passée, finalement, je retourne sur mes deux pieds et c'est quand même déstabilisant. Faites comme, ben voyons. Là, finalement, un gars, je sais plus lequel, pour de vrai, tout le monde était jasant. Cet soir-là, il y en a un qui me dit, ah ouais, si tu voulais body surfer, ben moi, je te suggère que tu devrais aller sur scène et blablabla, tu m'expliques comment stage diver, garçon. Là, moi, j'étais un peu choquée parce que lui, il était pas au courant de la situation. C'était plus pour narguer le gardien de sécurité que j'y avais soigné ma jambe parce qu'il était juste il souhaitait un certain calme dans la foule. Pendant que l'autre, il me prenait pour une amateur. Et je sais, là, pas toute la terre entière écoute critique de crowd, là, c'est tranquille, là. Je veux dire, surtout comme c'est ma voix que tu entends et tu ne me vois pas nécessairement. Fait que c'est normal aussi que tu te dis pas comme, ah, voilà un enfant aux cheveux verts et violets qui s'énerve dans la foule. C'est clairement Jolene Ruitt, critique de crowd. Je sais que non. Mais reste que le gars, pendant comme une bonne couple de minutes, il commence à me faire un cours 101 de body surf puis de stage dive. Je te jure, crowd, j'ai failli pogner les nerfs. J'étais comme, mais non, garçon, tu n'étais pas là. Et c'est juste que le gardien, il est un peu bizarre. Et ça va se confirmer justement avec le dit garçon qui voulait donc ben que je stage dive. Il s'y apprête très calmement, tu sais, très hollywoodien, là. Il fait signe à la foule comme, amenez-vous-en, là, soyez proches. Ensuite de ça, il se laisse vraiment tomber, là, glisser sur la foule. Et les gens le soutiennent très bien, là. C'est vraiment très, très tranquille, là. Une eau douce pendant qu'il navigue sur la foule. Et là, aux minutes, le gars se fait prendre par le gars de sécurité et se fait mettre dehors. Il se fait mettre dehors! Oh oui, il s'est fait mettre dehors de l'Astral parce qu'il stage-divait et paraît-il qu'il trouvait que ce n'était pas acceptable pour la situation de spectacle de musique. Alors, pendant qu'on est choqué, j'ai envie de... Je vais vous le mettre tout de suite. Dead Briner, parce que, ouais, je filais assez... Je revenais pas de la situation. Tout le monde avait des gros yeux comme « Que se passe-t-il? » Un gars se fait mettre dehors. Mais c'est à suivre. C'est à suivre. On va écouter Dead Briner. Ça va bien te brasser le camarade avec l'étau de la démence. Dead Briner avec la chanson L'étau de la démence sur leur album EP L'enfer c'est nous, je vous le recommande, c'est excellent. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd, choqué noir devant la sécurité qui n'a aucun sens à l'Astral, et on en a vraiment la confirmation quand un body surfer hyper tranquille se fait mettre dehors, mais qui revient après 30 secondes. Parce que pour de vrai, là, on était une coupe à avoir les yeux gros, là, comme... On n'en revenait pas, le cartoonesque, là. Fruip, là, c'est ça, les yeux qui ressortent avec des springs, là, pareil. Là, il revient dans la salle. En plus, il me suggère de body surfing ou stage diving durant la soirée. Je suis comme, garçon, tu vois bien que la sécurité, ils sont assez récalcitrants par rapport aux activités crowdiennes. Fait que non, moi, je cherche pas le trouble. J'aimerais ça avoir un minimum de fun. Je vous dirais, le spectacle est excellent. Ils sont toujours bons, hein, le chimard. Ils boivent beaucoup sur scène. Ils s'énervent beaucoup sur scène. Ils ont de la parlure rigolote. Il y a Andy, le claviériste, il est en train de tournoyer avec les rideaux sur le côté. Ils sont assez... Ouais, c'est ça. C'est aucun cadrisme. C'est ça leur mentalité. Autant pour les paroles, autant pour leur façon de faire. Et ça décalait beaucoup avec peut-être le propret de l'Astral, qui quand même, je veux dire, j'ai vu Clevertac l'année dernière à l'Astral. Ils reçoivent de temps en temps des groupes métal. C'est pas juste la maison du jazz. Fait que je comprends. Ah, pour de vrai, ça me choque encore juste à vous en parler. Et je parle du claviériste qui, oui, s'énerve. Et justement, il invitait quelqu'un sur scène à tenir le fameux drapeau là, et du Saguenay Libre. Et le gardien, il veut jamais qu'il monte. Il veut jamais. Finalement, quand le gars, il réussit à monter sur scène, première affaire qui arrive, ben oui, il se fait mettre dehors. Et le gars, ça va être vraiment avec un salut, tu sais, la main pointée de la tête vers le ciel. Ciao, bye, les gars. Mais... en même temps, tu sais, vainqueur et défaite à la fois. Et encore une fois, il va revenir dans la salle 30 secondes plus tard. Pour de vrai, je sais pas, là. Il punissait, il sortait leur index, les gardiens de sécurité, ils faisaient tout, tout, tout. Faut pas faire ça. Non! J'ai pas eu la discussion. J'aurais pas demandé qu'est-ce qu'ils ont même pu leur dire dans le pénitent de l'Astral. Je veux dire, justement, est-ce qu'ils servaient vraiment de pénitence? Ils ont pris ça au pied de la lettre. Ah, ça m'échappe! Tu sais, c'est comme combattre quelque chose qui va jamais se terminer. Les gens, ils ont du fun. Alors là, je suis mort, oui, c'est peut-être pas, justement, c'est pas du métal, c'est pas du punk, c'est pas assez énervé, mais c'est comme un show acoustique de mon oncle Serge. Ben, dépendamment la crowd, ben oui, ça va s'énerver. Je dis dépendamment parce que je l'ai vu à Laval puis c'était tranquille, mais quand tu vas au Catacombe, mon oncle Serge en solo, ben oui, ça trash. Pour moi, c'est la même chose avec Horloge si mort, parce que si tu te fies qu'à la musicalité, ben tu pourrais, oui, t'attendre que ça soit plus tranquille que ça l'est, mais étant donné que ça, oui, ça l'amène son niveau de débauche, de bière qui splouche de partout, de monde qui s'énerve, puis qui s'amuse. Tu sais, c'est surtout ça le point. Je parle beaucoup d'alcool parce que il y a beaucoup de shots qui sont donnés au Ben, et j'ai pu en profiter. Quelqu'un est arrivé avec un plateau et le gars, il a fait « Ah, t'es chanceuse que je suis conduit à soir », alors j'ai eu mon petit shot avec mes amis, l'instant d'une boisson. Mais oh mon Dieu, ça c'est très Horloge si mort, là, c'est très aucun cadrisme. Mais le gars, il a fait la tournée de tout le monde, puis après ça, étant donné le déplacement puis la crowd, mais il a pris tout l'alcool qui restait sur le fond du plateau, puis il l'a reversé dans un autre shot, puis il l'a bu. Bon, après ça, peut-être que le plateau était quand même propre, là, ça dépend ton niveau de t'es dédaigneux ou pas, là, mais en tout cas, moi je trouve que ça fitait beaucoup avec l'ambiance, même si il y avait ce niveau de surveillance et de faudrait être plus sérieux qu'il faut quasiment. Ouais, il y a une espèce de distance, tu sais, comme les gens continuaient à trasher, puis des fois ils nous arrêtaient pas de trasher, hein, me sentais tout le temps sur la ligne. Ouais, t'sais, pourquoi là ils nous arrêtent, puis pourquoi là ça marche, puis là ça marche pas, qu'est-ce que tu vois de plus violent? Il y en a un, c'est vrai qu'il était peut-être un peu plus tapageur en fin de soirée. Ça arrive toujours qu'il y en a un qui est plus dans l'ambiance que d'autres, il y en a un qui gère moins leur énergie que d'autres. Pour avoir plein d'explications, mais que ça soit si aléatoire, comment les gardiens pouvaient arrêter le pit, ça me dépasse complètement. C'est tellement un manque d'écoute. Le show était bon, la crowd, c'est vraiment une crowd d'horloge. Puis le seul point qui fait que c'est un spectacle qui a aucun sens, c'est simplement la gestion de la sécurité qui... J'ai vraiment... Ça donnait l'impression qu'ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Comme si, oh mon Dieu, le monde se batte! La seule fois que j'avais vu ça auparavant, j'avais-tu 17? Peu importe, là, c'était... justement, je suis relativement jeune. Entre 17 et 19, au Festival de l'art vocal, ou peut-être c'était devenu le Festivois à Trois-Rivières, les vulgaires machins jouaient, et justement, le gardien de sécurité, il comprenait rien. Fait que, il arrêtait le pit. Puis c'est le Ben qui a dit, OK, là, la sécurité, le monde va l'avoir du fun. Toi, tu sais peut-être pas c'est quoi, mais ils vont te trasher, puis c'est bien correct. Fait que, s'il te plaît, tasse-toi. Et j'avoue que c'est la seule chose, on dirait, que j'attendais de cette soirée-là, c'est que quelqu'un leur dise puis que ça marche! Mais non, c'est triste, hein, mais ouais, ça sera pas passé. Puis c'est... à des... Ouais, c'est... En tout cas, ça gâche le... J'en perds mes mots. Ça gâche le plaisir pour tout le monde. L'incompréhension, l'inécoute... non, ça fait des choses bien tristes pour un spectacle qui était excellent. C'est ça le pire dans tout ça. Parce que Horloge, ils vont... Eux autres, comme j'ai dit pour Carotté, c'est le genre de band que peu importe la crowd, peu importe ce qui arrive, c'est vrai que ça va toujours donner un bon show. Et c'est pour cette raison-là qu'on va écouter. Je crois que c'est ma chanson préférée de leur plus récent album, Beuvez toujours, ne mourrez jamais, Heurc un condom, parce que j'adore la double narration de la chanson qui amène beaucoup l'intention, le deuxième degré, la morale de cette histoire. Alors, écoutez-la bien, amusez-vous bien. Heurc un condom, Horloge est mort. Heurc un condom, c'est collant. Parce que ça fait au moins deux semaines que j'ai pas éjaculé ta barbaque. Ah, je vais donc m'auto-suffire, c'est toi la pire. Et je lâche un dernier soupir. Tabarnak! Horloge Simard sur les ondes de la marge avec Critique de Crowd. Horloge Simard n'aura même pas donné de rappel pour ce spectacle. Je sais pas pourquoi et surtout, encore une fois, le gardien de sécurité était bien pressé. On dirait d'inviter les gens à sortir de la salle parce que déjà en partant, il a demandé aux gens de s'éloigner de la scène comme un bras de distance. C'était, comme je vous dis, ça a vraiment été terrible sur l'atmosphère, comment la sécurité gérait la crowd et gérait inutilement la crowd, faut quand même se le dire. J'étais sortie quand le Body Surfer quand le gars du drapeau s'est fait mettre dehors et qu'il est re-rentré, je suis quand même allée sortir de la salle pour voir s'il y avait pas quelqu'un à qui je pouvais m'adresser parce que je trouvais la situation inacceptable. Et quelqu'un avait fait la même réaction. J'ai entendu quelqu'un dire « J'ai 40 ans pis sur le nombre de spectacles que j'ai vus dans ma vie. J'ai jamais été aussi estomaqué d'une situation pareille. » Et justement, après le spectacle, j'ai décidé d'aller porter plainte. Je trouvais la situation vraiment trop... vous voyez, rempli d'insatisfaction dans mes non-mots. Et le pire dans tout ça, c'est quand je me suis pointée, le gardien de sécurité, c'était lui. Là, j'ai demandé si c'était lui le chef d'équipe. Il m'a dit oui. Là, j'étais super gênée. Je voulais pas m'adresser à lui. Tu vas pas vraiment comme critiquer quelqu'un qui tient son point. Je l'ai entendu dire, le monde était fou. Il me faisait plein de moche-pites. Il y aura pas de bon argumentaire avec quelqu'un comme ça. Finalement, j'ai pu parler, je crois, à la gérante de la salle ou une autre superviseur. Je sais pas, j'ai vraiment pas envie d'accuser l'Astral qui sont trop habitués au show d'Éric Salvaille, comme certains ont dit dans la crowd. Parce que oui, il y a la variété musicale, il y en a vu d'autres. Mais ah, d'une tristesse de comment on peut gâcher si simplement et en même temps si durement un spectacle. Et c'est là justement où je suis nostalgique des catacombes. Je crois qu'avoir les catacombes dans la programmation des Francofolies fait une différence, puisque la salle, c'est une coopérative, pas comme les autres, qui amène beaucoup de liberté dans les mouvements, beaucoup de respect aussi. Et je, non, vraiment, j'aurais jamais cru ça, mais je m'ennuie des catacombes. Ramener cette salle parmi la programmation des Franco, Orlochimar, ça aurait été merveilleux là-bas. Le monde aurait trippé. Ça aurait été bien magique. Et ouais, des fois, la salle, ça a une drôle d'incidence. Déjà que c'était hyper propre, mais pas juste ça. Ouais, non, non. Il y a quelque chose qui s'est pas passé, puis c'est d'une, ouais, je suis triste, triste, triste. Et c'est pour cette raison-là que quand je suis sortie à l'extérieur de la salle pour aller voir les shows extérieurs, j'étais pas vraiment dedans. Et dehors, c'est le bordel, mais surtout parce que dehors, c'était moins pire qu'en dedans. Là, c'était vraiment le bordel à l'Astral. Et c'est la raison pour laquelle on va écouter Dehors, c'est le bordel de Rouge Pompier. Et voilà déjà la fin de Critique de Crowd pour cette semaine. Je vous laisse en musique avec mon doux seigneur. J'ai écouté vite la fin de son spectacle et j'ai bien aimé l'ambiance. Peut-être que je vous ferai un petit retour, une petite critique de Crowd de ce samedi de 4h à 6h en direct de la place des festivals. Ça va me faire bien plaisir de vous piquer une jasette pendant que je vais animer avec Mathieu Aubre. Je vais amener des biscuits puis je vais peut-être bien vous conter comment ça se passait dans la Crowd de mon doux seigneur. Mais on va surtout apprécier. Personne ne le sait pas. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur pour la fin des Franco. Je faisais 120, autoroute 80, un vent à l'est. Je reverrai pas ma douce avant que le soleil se lève. Une pancarte me révèle que si je bouge, on va me retrouver dans le fossé. Ah ouais, come on. Boy, pas ma lune, ma belle. Bye, bye. Fait que je rebouche le couvert, pis je paye sur le champignon. Si je cherche la lumière, je la trouverai pas dans le pot maçon. Mais tu sais, mon père, quand je tête mon verre, le chemin paraît moins long. Ah ouais, come on. Broye pas ma lune, ma belle. Les Appalaches ont eu raison de notre char. Mais mon grand pot plein de vin et de miel va prendre soin de son gaillard. Away, come on. Brille dans mon beau soleil. Thank you.